Chapitre 3e. Le docteur Palor est à la fenêtre de sa vieille maison de la place Saint-Étienne. Il regarde de grands nuages noirs qui montent à l'horizon et il tressaille chaque fois que le vent de l'orage, ce vent chaud et humide, vient caresser son front. Le docteur est un homme de 55 ans à peu près, professeur de chimie à l'université. Ses traits sont fortement accusés. Sa bouche, petite, est plissée de temps à autre par un sourire triste. Son front a le poli de l'ivoire, comme celui des hommes qui pensent et qui travaillent beaucoup. Son regard dur et glacial s'enflamme, quand du haut de sa chair, il explique à ses élèves attentifs les merveilles de la science. C'est un très honnête homme qui fuit le monde et les réunions. Il ne s'est jamais marié et on ne lui a jamais connu de maîtresse. Il vit seul avec un vieux domestique qui lui sert de préparateur et qui a soin des instruments de physique et de chimie qui font la joie et le bonheur de son maître. L'existence de celui-ci est donc quelque peu mystérieuse, et quand les bonnes gens de Vienne passent la nuit devant la maison du docteur, il se montre avec terreur une fenêtre qui flamboie dans la nuit comme l'œil d'un cyclope et devant laquelle passe la silhouette du vieux savant, enveloppé dans sa grande robe de velours noir et tenant à la main une fiole bizarre ou un creuset rougi. Il double alors le pas et s'éloigne en murmurant « Allons bon, voilà M. Palor qui cause encore avec le diable. Tout cela finira mal. Croyez-moi, voisin, tout cela finira mal. » Celui de tous ses élèves que le docteur affectionnait le plus était notre ami Hermann. Il le prenait souvent à part et le faisait travailler avec lui à quelque opération chimique. Ou bien il causait de longues heures avec le jeune homme, lui expliquant les unes après les autres les pages du livre de la science. Hermann, de son côté, ressentait pour son maître une sympathie étrange. C'était une sorte d'amitié mêlée de terreur. Il pressentait, malgré lui, qu'au fond de cette existence si placide pour tous, vivait un secret terrible, et en regardant la figure calme et grave du vieux savant, il pensait que ses laves éteintes pouvaient bien cacher un volcan. Puis, tout cela sentait un peu la magie. Or, Hermann était poète, il aimait le merveilleux. Au moment où il quittait Geneviève à la porte de sa maison, l'orage qui menaçait depuis quelque temps commença à gronder. Ce furent d'abord de sourds éclats de tonnerre, puis des éclairs livides et de grosses gouttes de pluie. Hermann hâtait le pas et passait devant la maison du docteur lorsqu'il s'entendit appeler. « Hermann ! Hermann !» Il leva la tête. C'était pas alors qu'il lui faisait signe de monter. « Je vous souhaite le bonsoir, monsieur le docteur, » dit Hermann. « Eh, mon cher enfant !» Ne voyez-vous pas qu'il va faire un orage terrible et qu'avant que vous ne soyez rentré chez vous, les cataractes du ciel s'ouvriront? Vous gagnerez une pleurésie et alors adieu, mon meilleur élève. Montez, vous attendrez chez moi que l'orage soit passé. Volontiers, mon cher maître, car je pense qu'avant qu'il soit longtemps... » Une effroyable détonation se fit entendre et la tempête éclata dans toute sa fureur. Le domestique de Palor était descendu ouvrir la porte de la rue et ôter la barre de bois qui la défendait contre les attaques des voleurs de nuit. Hermann, qui connaissait la maison, monta rapidement l'escalier, traversa un corridor obscur et se trouva dans le cabinet de travail du docteur. N'en attendez pas la description. Elle a été faite déjà 100 fois, et vous devez savoir ce qu'il y a dans un cabinet de chimiste. Des creusets, des alambics, des cornues de grès et de verre, des matras au ventre arrondi comme des magots appuyés sur des couronnes de paille, une vaste machine électrique, une machine pneumatique, des bocaux de toutes sortes, des fioles de toute espèce et une odeur désagréable. Palor ferma la fenêtre et faisant signe au jeune homme de s'asseoir. « Eh mon Dieu, mon enfant, d'où venez-vous à cette heure et par ce temps ?» Hermann rougit. « Maître, je venais de reconduire ma fiancée. »« Votre fiancée ?»« Oui, maître. »« Ah ? » ?»« Dès que je serai reçu docteur, je dois l'épouser. »« Elle est riche ?»« Non, maître. » Mais elle est belle comme un ange et bonne comme une sainte. Palor se promenait à grands pas dans la chambre. Il s'arrêta tout à coup et regardant Hermann avec des yeux étincelants. « Vous êtes un sot, mon jeune ami. »« Maître, encore un qui est comme les autres, » murmure le docteur entre ses dents. « En quoi donc mon mariage peut-il vous déplaire, monsieur le docteur? Geneviève est une fille honnête et pure, qui m'aime et que j'aime de toute mon âme. Et quand vous serez marié ?» reprit Palor. Adieu les travaux, adieu la science, adieu les nobles et saintes consolations. qu'elle réserve à ceux qui se consacrent à elle. Vous vous trompez, maître. Je travaillerai plus encore, parce que j'aurai autour de moi de chères existences, qu'il faudra que mes travaux fassent vivre et grandir. Vous ne savez pas ce que vous dites, et je le vois. Vous en êtes encore à ces ridicules sottises que les hommes ont mises à la mode. Vous vous croyez aimés, vous rêvez de bonheur à deux, d'entretien au clair de la lune, d'amour, de poésie. Sottises, chimères, absurdités que tout cela. Soyez donc homme, voyez le monde et la société tels qu'ils sont. Ne leur demandez pas plus qu'ils ne sauraient vous donner. Et si vous tenez absolument à aimer quelque chose, aimez la science. Quant au reste, faites-en peu de cas. Hermann, et ne croyez à rien, à rien, à rien. En parlant ainsi, Pâlor avait la voix brève et stridente, son regard brillait d'un feu sombre, et quand les éclairs allumaient une auréole livide sur son crâne chauve, on ne pouvait voir sans terreur ce singulier vieillard. L'orage rugissait toujours et la pluie fouettait les vitres avec rage. Hermann regardait Pâlor avec l'expression d'un étonnement pénible. « Est-ce bien vous, maître, qui venez de parler ainsi ? Vous qui conseillez à la jeunesse d'avoir le cœur glacé ? La jeunesse, toujours la même chose, toujours les rêves, les illusions, les chimères qui font que vous passez votre vie à espérer et l'autre moitié à pleurer, vos espérances perdues. Ah, la jeunesse, quel bel âge ! Eh bien, moi, docteur, je les aime. Mes douces rêveries, mes songes d'or, et j'attends le bonheur à venir, en me contentant du bonheur présent. J'aime la vie pour la vie elle-même. Le matin, quand je m'éveille et que je retrouve autour de moi tous les compagnons de ma solitude, mes livres, mes manuscrits, les lettres de ma mère, le portrait de mon père, lorsque le soleil entre gaiement par ma fenêtre, quand je respire le parfum des fleurs, je me sens heureux d'être au monde, et je cours à la première église m'agenouiller et remercier Dieu d'avoir fait la nature si belle et le ciel si bleu. Très bien, mon ami, très bien. Et vous faites honneur à votre professeur d'éloquence, mais dites-moi, mon poète, et le but de tout cela, y avez-vous quelquefois songé ? Le but de la vie, oui ? Je me suis toujours laissé gouverner par mes impressions et je n'ai rien demandé de plus. Bon, mais vous avez réfléchi parfois que ces grands mots inventés par les hommes, amour, poésie, religion, gloire, immortalité, loin de représenter des réalités, pouvaient bien être que des abstractions sans valeur, des songes creux, des utopies à l'usage des âmes faibles. Que dites-vous, maître ? Écoutez-moi, jeune homme. Ce qui nous perd, c'est cette manie de prendre pour des vérités universelles les idées que nous avons chacun, et particulièrement en nous-mêmes. L'amour est un appétit matériel. La poésie, c'est nous qui la faisons, et non Dieu et la nature, qui n'est parfois nullement poétique. La preuve en est que chaque homme trouvera un site, un tableau, une œuvre, magnifique ou détestable, suivant qu'il soit français ou allemand, turc ou anglais. La religion varie suivant les pays, et quand deux peuples sont en guerre et que des batailles sont livrées, chaque peuple, de son côté, entonne un tédéum pour remercier Dieu de la victoire. Ce qui doit mettre la divinité, nécessairement bonne également pour tous ses enfants, dans un singulier embarras. La gloire, c'est un mot, un riche vêtement jeté sur un squelette. L'immortalité, une folie brillante. Le seul, le véritable souverain, ce qui existe, ce qu'on ne peut nier, ce qui est et sera de toute éternité, c'est la matière. Je la vois, je la sens, je l'ai tout entière dans mon creuset, où je surprends le secret de ses prodigieux enfantements. L'âme, je la cherche et ne la trouve pas. Où est-elle ? Dites-le-moi, jeune homme. Hermann écoutait avec terreur ces paroles amères et impies. Ces blasphèmes étranges le surprenaient. Et dominé par la fascination magnétique que Pâlor exerçait sur lui, il se taisait, et son cœur battait avec force dans sa poitrine. Le docteur le regarda quelque temps en silence d'un air de pitié. « Eh bien, reprit-il, voyons, répondez-moi. » Hermann releva la tête. « Maître, pour que votre âme soit à ce point desséchée, pour vous rire ainsi des plus saintes croyances, il faut que vous ayez bien souffert ou que vous n'ayez jamais aimé. » Pâlor, à ces mots, poussa un cri, lui saisit le bras et, le secouant avec violence, lui dit « Ah, tu crois que je n'ai jamais aimé ? Eh bien, écoute. Tu es mon élève, chéri. Je veux donc, pour ton bonheur, que tu renonces à de trompeuses illusions qui te rendraient malheureux plus tard comme je le suis maintenant. Je veux te les enlever tout d'un coup. je veux te prouver que cette âme que tu demandes à cette portion de la matière animée, qu'on appelle femme, n'existe pas, et que tous tes élans, toute ta tendresse, tous tes rêves ne sont que les enfants de ton imagination et les appels de tes sens. » Hermann s'est élevé et essuie la sueur froide qui perlait à son front. Les paroles du terrible vieillard l'épouvantaient, et il avait peur devant ce cynisme et cette horrible philosophie. Paolo reprit. « Ah oui, j'ai aimé, comme toi, plus que toi peut-être. Et ma première et ma seule maîtresse, je l'aime toujours, et je la possède encore, bien qu'elle soit morte depuis 30 ans. » Hermann frissonna. Le docteur pâlissait visiblement. Son corps était agité de mouvements convulsifs, ses mains tremblaient, il devait horriblement souffrir. « Tu vas la voir, Hermann, cette belle Cynthia, tu vas la voir, elle est là !» En achevant ces mots, il se dirigea vers la muraille et pressa un ressort. Un panneau glissa sur lui-même, découvrant une armoire de fer. « Tiens, regarde à présent, Hermann, n'est-ce pas qu'elle est belle, ma maîtresse ?» Le jeune homme plongea les yeux dans l'armoire, inapercevant que des fioles et des bocaux rangés sur une planche de fer et étiquetés avec soin. Il releva les yeux sur Pâlor et le crut fou. Mais je ne vois là, maître, que des substances chimiques. C'est elle, te dis-je, c'est Cynthia. Maître, revenez à vous. Silence, Hermann, écoute-moi. Tu vas entendre une terrible histoire. J'avais alors 25 ans. J'étudiais la médecine et la chimie à l'université de Munich. J'aimais une naïve et blonde enfant, comme ta Geneviève. Elle s'appelait Cynthia. Pendant une absence que je fis, elle mourut à l'hôpital. J'accourus en toute hâte, fou de douleur, et pour que son beau corps ne servît pas aux études anatomiques des élèves et ne fût pas profané par un scalpel impudique, je l'achetai à l'hospice et par une nuit noire, nuit d'orage comme celle-ci, je l'emportai, couvert de mon manteau, chez moi. Je la couchai sur mon lit. Elle était belle comme de son vivant, mais bien plus pâle. Elle me souriait doucement et avait l'air de dormir. Je passai la nuit à prier et à pleurer. « Cynthia, Cynthia !» disais-je, « où es-tu ? Réponds-moi. Ne me laisse pas ainsi. Si tu es vraiment morte, ouvre-moi tes bras glacés et emporte-moi avec toi dans la froide nuit. Ou que ton âme, cette âme dont parlent les livres, me fasse au moins, par quelque signe mystérieux, croire à son immortalité. Que flamme, elle voltige sur tes lèvres. Ou, rayon, qu'elle éclaire cette chambre. » Et j'appelais, et je pleurais, et Cynthia était toujours immobile, me souriant toujours et pâlissant de plus en plus. Ainsi, il fallait me séparer de cette moitié de moi-même, la jeter dans un coin du cimetière, planter quelques fleurs et une croix de bois sur sa tombe, et n'y plus penser, c'était terrible. Le lendemain, ma résolution fut prise. Je voulais épargner à ma chère Cynthia l'ignoble verre du tombeau. J'avais acheté son corps, il était bien à moi. Je résolus de le purifier par le feu et de le rendre à ses éléments primitifs. Ici la voix de Pâlor s'éteignit dans un douloureux sanglot. Hermann écoutait, haletant, le récit du vieux professeur. Après un instant de silence, Pâlor reprit. J'eus le courage, l'affreux courage, de faire passer cette merveille de la création dans mes creusets, dans mes alambics. Et bientôt, il n'en resta plus de Cynthia que ses différents sels et ces composés inorganiques que tu vois dans ces fioles. Oh, Hermann, elle est là, tout entière, ma belle maîtresse. Je vais la voir tous les jours, et je l'aime comme autrefois, quand nous allions nous promener sous les grands ormes, le dimanche, elle, se penchant, toute frémissante, à mon bras, moi, la regardant avec tout l'amour que je sentais au fond de mon cœur. Pâlor se tut et cacha sa tête dans ses mains en pleurant. Hermann s'était éloigné de l'armoire sinistre, et s'appuyait au fauteuil du docteur pour ne pas tomber. Il sentait devant cette terrible scène, devant ce triomphe de la matière, toutes ses illusions tombées et le doute se glisser lentement dans son cœur. Pâlor alla à l'armoire, et prenant plusieurs fioles dans ses mains, il dit à Hermann éperdu. « Tiens, jeune homme, regarde cette poudre blanche, ce sont les cheveux de Cynthia, ces beaux cheveux blonds que j'ai couverts de tant de baisers. Regarde cette fiole qui contient un sel verdâtre, ce sont les lèvres de Cynthia, ces lèvres qui m'ont dit tant de fois « je t'aime ». Regarde, cette pincée de poussière, c'est le cœur de Cynthia, ce cœur dont tous les battements m'appartenaient. Vois cet anneau. » Et en disant ceci, Pâlor montrait une bague de fer d'une forme étrange qui serrait l'annulaire de sa main gauche. C'est mon anneau de fiançailles. J'extrais le fer dont il est formé du sang qui coulait dans les veines de Cynthia. Ce sang, qui affluait si riche et si généreux à sa joue veloutée quand ma main serrait la sienne. « Sacrilège ! » murmura Hermann à voix basse. « Sacrilège ! » « Je t'ai montré la matière, montre-moi l'âme, trouve-moi Dieu, parle-moi d'immortalité. Maître, maître !» s'écria Hermann, « ayez pitié de moi. Où est ton idéal? Où sont tes rêves, ta poésie, devant cette effroyable réalité? Grâce ! Geneviève ou Cynthia, il n'y a pas de différence, l'une est morte, l'autre mourra, maître ! Allons, Hermann, es-tu convaincu maintenant? Dis adieu à toutes tes chimères et répète avec moi, gloire à la matière, la souveraine du monde. » Pallor parlait d'une voix éclatante, ses yeux flamboyaient et il secouait violemment Hermann. Au moment où celui-ci allait répondre, une lueur blanche glissa doucement dans le cabinet du docteur. C'était l'aube qui paraissait, et l'on entendit dans la rue la chanson de Geneviève, qui allait au marché vendre ses fleurs et qui chantait de sa voix suave comme un chant du paradis. « Il est un mot dans nos cœurs, écrit par Dieu même, quand la jeunesse est en fleurs. Ce mot est « Je t'aime ». Hermann jeta un cri et, repoussant Pallor, s'écria « Tout existe, et je crois à tout, à la poésie, à l'amour, à la jeunesse, j'aime !» Il s'élança dans l'escalier et disparut. Le lendemain, toute l'université suivait en deuil le convoi du docteur Pallor, mort de la nuit d'une attaque d'apoplexie foudroyante, et l'on se racontait à voix basse une chose étrange. Quand les porteurs prirent le cadavre pour le mettre au cercueil, ils remarquèrent que l'annulaire gauche était séparé de la main mutilée. Il semblait tranché par l'anneau de fer que de son vivant y portait le docteur et qui, singulièrement rétréci depuis sa mort, aurait à peine pu être passé au doigt d'un enfant. 2 mois après, Hermann épousait Geneviève. C'était par un beau dimanche de septembre. L'air était plein de parfums. Les cloches sonnaient à grande volée, l'orgue jouait ses plus divines mélodies et les bonnes femmes qui attendaient les époux au sortir de l'église disaient, en les voyant si jeunes et si beaux, « Mon Dieu, bénissez-les et qu'ils se revoient dans leurs enfants. » Ma traduction en faite et recopiée avec soin sur une belle main de papier blanc, je me glissais furtivement un soir dans la boutique de Madame Doussin après avoir constaté l'absence au comptoir de la brave femme. Angèle était seule et venait de commencer une nouvelle pantoufle. Le cœur me battait, mais me battait. « Bonsoir, mademoiselle Angèle, » fis-je d'une voix légèrement étranglée. « Bonsoir, monsieur. Je vous rapporte ce volume de nouvelles. »« Oh, rien ne pressait, » dit-elle en souriant. « Je le pense bien, » repris-je. « Mon Dieu, que je suis bête, » murmurai-je en moi-même. « J'ai traduit une de ces nouvelles, mademoiselle. Vous savez donc l'allemand ? Un peu, je vous l'apporte. » « Lisez-la, je vous en supplie, et supposez que je m'appelle Hermann, et que vous me nommez Geneviève. » Avouez que pour un collégien, cette manière de déclaration, sans atteindre à la hauteur des procédés de M. de Lauzun, n'était pas encore trop maladroite. Je jetai le manuscrit sur le comptoir et m'enfuis comme un fou. Le lendemain, plus tremblant encore que la veille, je m'hasardai à venir juger de l'effet que la lecture de mon opuscule avait pu produire. Que devins-je en apercevant le vieux débris de Waterloo étendu dans le fauteuil de velours d'Utrecht et mon manuscrit à la main ?« Ah ah !» fit la basse tonitruante de M. Doussin. « C'est donc vous, jeune homme, qui avez remis cette belle élucubration à Angèle ?»« Monsieur, je ne croyais pas que c'était moi qui la lirais, pas vrai ?»« Capitaine, en effet, un pareil honneur était loin de ma pensée. » Je devenais, vous le voyez, cher lecteur, encore plus bête que la veille. Le capitaine continua. « Eh bien, voulez-vous que je vous dise une chose, mon garçon ? Vous êtes très gentil. Mais ma fille se marie dans 2 mois. Et ce n'est pas avec vous, vous comprenez. Parfaitement, capitaine, parfaitement. Si vous voulez venir à la noce, ça nous fera plaisir à tous. Bien le bonjour, mon garçon. Au revoir, capitaine. » Et je partis, le cœur déchiré d'une des plus cruelles douleurs que j'ai ressenties de ma vie. Plus tard, je revis Angèle, mais je ne pus jamais savoir si c'était elle qui, la traîtresse, avait remis mon manuscrit à son père. Perfide comme l'onde. Ainsi s'achève L'anneau de fer par Ernest Dubreuil.